Chapitre 15. Bacquenois veille. Bacquenois souleva son ample chapeau, ouvrit tout grand ses yeux dans la lumière. Les camarades, autour de la table, se remuaient lourdement en enflant les joues, en s'étirant comme des travailleurs fatigués. Peu à peu, chacun partit de son côté. Jérôme, la tête basse, rentra dans la cuisine à la suite de son frère, qui se traînait d'un pas de petit vieux. Guitou s'affaissa sur la chaise du matin, auprès de la cheminée. Il posa les mains sur son bâton et ferma les paupières, pendant que Jérôme s'asseyait à la table d'auberge, les bras étendus. Pataloco et les Campal descendirent à la rivière. Le matelot s'allongea dans sa barque pour la sieste quotidienne, tandis que les Campal, qui cherchaient la fraîcheur, se réfugiaient entre les murs dorés du moulin. Boispeau, Durant et Fabarotte s'égarèrent ensemble dans le voisinage. Pâteaux et vénérables, ils affectaient du dédain vis-à-vis du garde Bacquenois, lequel, d'ailleurs, feignit de s'esquiver par la montée de la grand-route. Fabarotte, cependant, afin de ne pas gêner les vieux galants, demeura dans le chemin creux. Ceux-ci, devenus familiers, ne dissimulaient plus aujourd'hui leur amourette. Ils continuèrent de suivre la petite route nue qui va au château de M. Gourdon, très loin, et là-bas, au milieu des vignes, s'abrite sous des peupliers. Ils ne parlaient pas, ils se comprenaient. Échangeraient-ils jamais une promesse ? Boispeau, en attendant, tenait l'ombrelle de Durante et se penchait, se serrait de telle sorte que l'ombre protégea leurs deux têtes grises. De temps à autre, ils se souriaient, Durante, émue de se trouver dans la solitude, au bras d'un homme. Les camarades, au moulin, ne pensaient aussi qu'à eux-mêmes. Soulayrol, habitué à la pénombre de son atelier, s'était rendu à l'écurie. Dans le noir des murs humides, comme la tête lui tournait à la force du vin, il s'abattit sur la litière de Jacounel et s'endormit. Agnès et Guitounet n'avaient pas hésité à pénétrer sous les roseaux par le sentier que suivent les pharaons le dimanche. Un peu plus loin, ils s'assirent dans l'herbe auprès d'un cerisier et, la main dans la main, ils contemplèrent la plaine où règne Pézenas. Dans la cour du moulin, il ne restait plus que Santou, ronflant, étendu sur le tronc d'arbre, et aussi Claude et Périne, que surprenait, après le bruit de la noce, le silence adorable du ciel et de la terre. Les jeunes époux n'avaient point de courage. Le désordre de la table, le gaspillage de tant de vivres, qui auraient suffi plus de 8 jours à un ménage sobre, leur inspiraient de la tristesse et du dégoût. « C'est aujourd'hui la fête à Aume, » dit Périne. « Il faudra empêcher mon père de sortir ce soir. »« Oh, Jérôme sera trop fatigué. »« Il ne l'est pas quand il s'agit de s'amuser. »« Ah, mon pauvre Claude, que diraient tes parents si le mariage te rendait malheureux ? Toi-même, tu te repentirais de m'avoir épousé. »« Tais-toi, ne pensons pas à ces choses. » Claude aurait voulu consoler Périne. Il ne savait pas, malgré ses efforts. « D'abord, où est ton père maintenant ? Il doit dormir dans la maison. Allons voir. » L'oncle Guitou dormait toujours dans la cuisine, auprès de la cheminée. Jérôme, les bras étendus sur la table, ne bougeait pas, secouait seulement de hoquets formidables. À la vue de ses enfants, il secoua la tête, ouvrit ses yeux rouges et mouillés. « Fille, grogna-t-il, j'ai soif. Tu trouveras du vin dans une des bouteilles de Durante. J'ai soif de ce vin blanc qui sent la peau des jolies femmes. »« Mon père, tu te trompes. Il n'y a plus rien. »« Cherche-moi donc quelque chose dans le buffet, n'importe quoi. Ça m'est égal. » Mais, hasarda Claude qui se campait, les poings aux hanches, « Nous avons assez bu, il me semble. Ça vous rendra malade. » Jérôme agita ses bras et, bridant ses joues d'un rictus de colère, « Qu'est ? Toi, tu n'es qu'un petit clerc d'église, un palefreluquet de Clermont. Moi, je suis de Pézenas. Le vin, ça me connaît. » « Je répète que vous avez tort. « Fichtre, qu'est-ce qui te passe par la cervelle ? Te crois-tu le maître ? Depuis quand je reçois des leçons ? Tais, donne-moi la bouteille, Perrine. Tu es mieux élevée que ton mari, je suppose. » Perrine, en tremblant, donna un verre et la bouteille. Claude, le front bas, ne soufflait mot. Il eut la vision de quelque méfait, d'un crime peut-être, que cet homme, dans un coup d'ivresse, pouvait commettre. Lâche, il imagina qu'un jour, il serait sa dupe ou son complice. Alors, songeant à ses parents honnêtes, un sanglot lui monta à la bouche, il eut un désespoir d'enfant, et il sortit pour pleurer dans la cour, au coin de l'auge. Perrine le rejoignit aussitôt. « Tais-toi, lui dit-elle en l'embrassant, tais-toi, si mon père t'entendait. Voyons, puisque c'est fête aujourd'hui. » « Non, vois-tu, ce sont peut-être des rêves, mais ils me font trop mal. J'ai l'imagination que nous connaîtrons des malheurs ici avant la fin de l'année. Je mentais tout à l'heure pour te rassurer. Il faut pourtant que je t'ouvre mon cœur. Eh bien, ton père est un perdu. Il est trop vieux pour se corriger. Ne dis pas ça, toi qui l'aimes bien. Il m'aime quand il a le temps. Il me parle avec une rudesse. Je ne suis pas son domestique, voyons. Si la misère lui plaît, qu'il la garde. Moi, je n'en veux pas. Alors, tu l'abandonnerais ? Oui, s'il retombe au mal. » Claude se redressait devant Perrine. Celle-ci frissonna de crainte, dans sa jeunesse faible, les yeux clairs comme le ciel. « Tu ne m'aimes donc pas ? » murmura-t-elle. Claude, pour la première fois, montrait de la volonté. Mais l'humilité, la tendresse de Perrine le toucha au cœur, lui fit de la joie par tout l'être. Il la regarda en souriant. Il entraîna vers le mûrier, dont l'ombre rayonnait jusqu'à l'extrémité du pré, sur le talus. « Tu sais bien, Perrine, que je n'aime que toi et que mes parents t'aiment aussi comme leur fille. Seulement, nous ne pourrons pas, tu le comprends, nous qui débutons dans la vie, nous soumettre toujours à un homme qui ne croit qu'à son caprice. » Perrine, ses mains au visage, pleurait doucement. Claude la baisait au front et sur les mains. « Certes, dit-elle, je n'hésiterai pas à te sacrifier, mon père. Aujourd'hui, c'est toi qui me commandes. Seulement, ça fait venir le malheur rien que d'en parler. Viens, allons-nous-en. » « Où ? Tu es folle ! Nous ne rencontrerons partout que ces amuseurs de la rue Saint-Jean. Montons dans notre chambre. Je prendrai de la couture, tu prendras un livre, comme lorsque nous étions fiancés. Allons, ça me rappellera mon auberge et mes parents. » Une pénombre heureuse régnait dans leur chambre, dans l'étroite alcôve où le lit disparaissait sous des rideaux. Dans la clarté du mûrier et des platanes, il faisait doux, paisible, ainsi que dans l'âme des jeunes époux. Perrine prit sa couture, Claude un livre. Mais, au lieu de s'occuper, ils détournaient les yeux vers le ciel, ou bien ils se regardaient. Ils écoutaient le silence du domaine. Pour la première fois, le temps leur parut long. Le silence planait de haut sur le paysage. Les camarades, autour du moulin, dormaient. Santou, allongé sur l'arbre de la cour, semblait un mort. Bacquenois veillait toujours là-bas, derrière le parapet de la grande route. Il désespérait déjà de pincer Pataloque ou quelqu'un de ses camarades. On ne voyait pas âme dans la vaste plaine, rien que la feuillée des vignes, les champs de blé d'or, la poussière des chemins. Fatigué de recevoir le gros du soleil, il redescendit vers Roquemangarde lentement, le long des haies, en se faisant tout petit, en insinuant un regard par-ci, un regard par-là. Pour ne pas donner l'éveil, il ôta même son chapeau. Décidément, tout le monde se cachait. Poussé par la soif, il pénétrait dans la cour du moulin lorsqu'il aperçut le brave Santou allongé sur l'arbre. Par prudence, il rétrograda dans le chemin creux. À peine avait-il marché 200 pas qu'il entendit sur la droite un homme qui toussait. Un homme gras et plein, immanquablement, car la toux grasseyait abondante. Bacquenois aussitôt s'élança sur le talus et, au sommet, se soutint au tronc d'un amandier. Il ne vit qu'un blé dru, opulent, qui dormait aussi sans un frisson. Il s'inquiétait enfin de ne rien découvrir lorsque la toux, plus sonore et hardie, recommença. Il examina sans bouger. Alors, un petit homme trapu se dressa dolamment, surgit du milieu des épis. Une casquette, des bajoux, un petit boutiquier qui soufflait sous le soleil. « Fabarotte !» cria le garde. Le boutiquier se détourna placidement et boutonnant sa culotte. Il montra son front, retira son cigare des lèvres et sourit. « Ah, bonjour, Bacquenois, tu es encore dans cette campagne ?»« Oui, oui, arrive ici. »« À ton service, espère un peu. » En soupirant, tout soulagé, Fabarotte arriva. Il bronchait parmi les mottes, écrasait des épis, en écartait d'autres qui lui grattaient le cou. « Eh bé, » dit-il en frappant le garde sur l'épaule, « eh bé, tu t'ennuies tout seul ?»« Non pas. Toi, tu saccages la propriété d'autrui, je te dresse procès-verbal. »« À moi, tu plaisantes. »« Je ne plaisante jamais, j'accomplis mon devoir. » Très mal, personne ne croira jamais que Fabarotte le peintre ait porté le moindre préjudice à son semblable. Chez toi, tu vis à ton gré. Ici, tu dois respect à la terre et aux hommes. Par exemple, je proteste. Inutile de protester, je suis le garde. Fabarotte a rangé sa casquette, soufflé, sué davantage. Ensuite, dans le chemin, il essaya d'amadouer le garde d'un air bonasse et paternel. « Viens-tu chez Jérôme ?»« Oui, marche !»« Pourquoi n'as-tu pas accepté de dîner avec nous ?»« Laisse-moi !»« Tais, je t'offre mes petits cigares, ils sont excellents. Tu comprends, je les mets à sécher pendant une semaine dans le four de Boispeau. » Il exhibait de sa veste les cigares d'un sou, en offrait un tas à choisir lorsque l'autre le rabroua. « Ne fais pas l'emplâtre, je ne fume pas. Tu dois avoir soif, il fait si chaud. Si je buvais, j'aurais encore plus chaud. Tu n'as donc pas de vice ?» Bacquenois ne se déridait point. Au bout du chemin, il se reposa dans une ombre, tandis que Fabarotte, après être resté longtemps à chercher en vain des flatteries nouvelles, remontait à Roquemengarde. Tout le monde dormait encore. Ce silence effraya le petit boutiquier. Il se mit à crier au milieu de la cour, sans pourtant réveiller Santou, sans même déranger Périne et Claude. Alors, il descendit en maugréant à la rivière. Là, furieux, il saisit la chaîne du barco, l'agita longuement de toutes ses forces. Pataloco enfin se réveilla. Les campals ahuris, les yeux battus, sortirent de leur refuge. « Eh, quoi ? Ce peintre est enragé ! Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ?» Il raconta d'un trait l'histoire de son procès-verbal. Les autres, aussitôt de rire en si grand tumulte que Fabarotte, à son tour, s'esclaffa. « Va, lui dit Campal, Bacquenois n'osera pas t'inquiéter. Nous sommes des électeurs du maire. » Fabarotte respira sur cette assurance. De nouveau, il partit d'un long éclat de rire en découvrant qu'il était un homme d'importance à l'abri de la justice. Ensuite, ils se regardèrent tous, étonnés quand même de se trouver là, sur le chenal d'un moulin, et non dans la rue Saint-Jean, au bord de le ruisseau. « Que faisons-nous ? » dit Campal. « Moi, je vais tirer mes filets de pêche. Si j'ai plus de chance que ce matin, j'irai vendre mon poisson à Rome, puisque c'est la fête. » Pataloco, à ces mots, conduisit sa barque au milieu de la rivière, laissant les camarades ébahis sur le quai. « Remontons dans la cour, » reprit Campal. Un moment après, ils étaient réinstallés sous le mûrier, devant les litres inachevées de Durante. Les coudes sur la table, ils contemplaient le couchant fauve dans le ciel, la terre rouge des Cévennes, au loin, par-dessus les collines vertes de vignobles. Peu à peu, tout le monde se ranima. Santou rejoignit Jacounel à l'écurie, d'où Soulérolle sortait en fredonnant. Durante et Boispeau revenaient du chemin nu des vignes, toujours unis sous l'ombrelle. Bientôt, on entendit sous les roseaux de la rivière une rumeur de pas et de rire. C'était Luc et Agnès qui marchaient si lentement que le père Guitou, accompagné de Jérôme, arriva bien avant eux sous le mûrier. Guitou était assis déjà lorsque Luc apparut. À la vue de son fils, en fréquentation d'une domestique, il se réveilla tout à fait et, sans le vouloir, frappa de colère sur la table. Mais soudain, il eut la force de se calmer. Les Guitou ne traitaient point leurs affaires en public. Les jeunes époux ne se seraient pas encore dérangés s'ils n'avaient pas aperçu Jérôme à table. Ils descendirent de leur chambre tout guillerés, affectant beaucoup d'insouciance devant leur maître, parce que celui-ci, simplement pour les narguer, aurait pu se remettre à boire. Heureusement, Jérôme ne touchait pas à son verre. Leur gaieté alors devint franche. Ils parlèrent presque seuls à propos de la rue Saint-Jean, du carnaval, des fêtes de Pézenas. Le crépuscule se répandait doucement des Cévennes dans les nues dorées. Une lueur de cendre estompait un moment les villages au loin, la ville dans son enceinte de jardin. Sur les champs, sur les bosquets épars, se dissipait une fumée bleuâtre. Bientôt la poussière, qui semblait s'élever sous la foulée d'un peuple, confondit les routes, les vignes, toutes les blancheurs et toutes les verdures. Le ciel mourait, le ciel limpide, troublé comme un beau visage, sous du fard et des voiles. Puis, des collines de la mer, l'ombre sortit, chemina dans les hauteurs de l'espace, se mêla à l'ombre plus épaisse qu'exhalait la plaine. Telle qu'un fleuve qui déborde, elle emplit les vallons et les ravins, s'insinua dans les moindres sentiers, gravit jusqu'aux cimes. Le moulin, pareil à un frais îlot de verdure, conservait de la clarté au milieu de cette ombre croissante. Des étoiles çà et là brillèrent, aussi faibles encore que des lanternes de charrettes pauvres, cahotant par les ornières. Les camarades de la rue Saint-Jean frissonnèrent à la brise de l'ombre. Campal se remua le premier, les femmes rangèrent leurs toilettes et Fabaros choisit un petit cigare pour le retour. Périne s'approcha de son père qui dormait. « Dis, les amis repartent, touche-leur la main et puis tu devrais rentrer à cause de l'humidité. » Jérôme, ennuyé, observa tout ce monde avec étonnement. « Eh bien, grogna-t-il, bonsoir, ma fille a raison, bonsoir. » Il rentra dans sa cuisine, lourdeau, ballant comme dans un rêve. On l'entendit s'étirer, bâiller largement de plaisir, ainsi qu'un vendangeur qui se lève dès l'aube sur la paille de son grenier. Alors, Guitou parla de son frère. « Je crois que nous avons pendu une fameuse crémaillère. Il faut que Jérôme gagne de l'argent. »« Je le trouve raisonnable, » remarqua Fabarotte. Périne, glorieuse que le maître eût obéi, prit la main de Claude avec une grande joie et lui dit en souriant « Tu vois, mon père n'est pas mauvais. S'il pouvait continuer à nous écouter… »« Oui, mon fils, » répondit Guitou, « il vous écoutera. Seulement, la sagesse ne peut pas venir dans un jour. »